10 A. Bonjour, c'est pour une enquête sur les habitudes alimentaires des Français. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais savoir si vous êtes végétarien ou pas. C'est une bonne question. Ma femme est végétarienne, mais moi, pas du tout. Je lui laisse la salade et je mange la viande. J'adore la viande. Et vos enfants ? Nous leur préparons toujours des repas équilibrés. Ma fille n'aime pas trop le poisson, alors nous lui préparons plutôt de la viande. Heureusement, mon fils mange de tout. Il ne mange jamais de junk food. Oh non, pas encore. Ils n'ont que 5 et 6 ans. Et qu'est-ce que votre mère vous fait à manger? Alors là, ma mère me fait toujours des repas fantastiques. Sa passion, c'est la cuisine. Et quand toute la famille va manger chez elle, elle nous gave comme des oies. On ne peut plus se lever de table. C'est terrible.